le corps tendu, proche de la démence. J'ai dépensé tout mon argent et le temps qui hurle sur ma conscience. Au bord des larmes, quand tu m'en parles, chaque mot sonne un peu faux. Mais bonne actrice, je te rembarre, je ne suis pas folle, un peu mytho. Dégagé pour cacher, des calmants pour calmer. J'ai perdu trop d'années, tout ça va me coûter. Maman pleure, maman crie, tout à l'heure elle m'a vu partir. Maman pleure, maman crie, elle a perdu pour ma vie. Maman pleure, maman crie, tout à l'heure elle m'a vu partir. Maman pleure, maman crie, elle a perdu. Je veux des médicaments, je dois me calmer, changer la fréquence. J'ai des pensées désobligeantes, j'attends de monter et que ça recommence. Au bord du drame, j'ai la peau pâle, à chaque mot sonne un défaut. Laisse-moi dormir, je me fais mal, je ne suis pas folle, un peu accro. Dégagé pour cacher, des calmants pour calmer, j'ai perdu trop d'années, tout ça va me coûter. Maman pleure, maman crie, tout à l'heure elle m'a vu partir.